Vivre simplement et avec des autres pensées. Moi, mais là, si on hiérarchise la pensée, la base, c'est de comprendre que la pensée, bon, c'en est du formel qui se densifie dans le mental, le plan mental. Donc, l'affaire, c'est de ne pas s'identifier à ses pensées. Il ne faut pas que ça devienne l'identité. L'affaire, je pense, donc, je suis, là. C'est pire que les globes, là. C'est pire que les... Je pense, donc, j'y suis. Oui, elle est bonne, celle-là.